Jamais encore, depuis que je le connais, M. X ne m'avait proposé un dossier aussi explosif. Un dossier qui est loin d'être bouclé et auquel ont été mêlés beaucoup de hauts personnages qui sont encore en place dans notre pays et à l'étranger. Le 4 février 1987, à 22h45, un Learjet de la compagnie Aéro France décolle de l'aérodrome de Brazzaville au Congo. Direction Tamanrasset. L'équipage est confirmé, l'appareil en excellent état et les premières minutes du vol se déroulent sans incident. Mais soudain, au-dessus du Cameroun, alors que l'avion approche de la frontière du Nigeria, un incident se produit. Quel incident ? Mystère. Plus tard, l'examen de l'enregistreur de vol, la fameuse boîte noire, indiquera seulement que l'alimentation électrique a été coupée. Est-ce le pilote qui a coupé cette alimentation avant de tenter un atterrissage de fortune et d'éviter ainsi un risque d'incendie ? Ou bien cet enregistreur s'est-il mis en panne pour une autre raison ? Impossible de le dire. En tout cas, peu de temps après, le Learjet s'écrase dans la forêt camerounaise. Les deux pilotes et les 8 passagers meurent sur le coup. L'enquête, menée conjointement par les autorités du Cameroun, l'inspection générale de l'aviation civile française et des représentants du constructeur, démontre que le jet n'a pas explosé en vol et qu'il n'y a pas eu de dépressurisation brutale. D'autre part, l'écoute des dernières minutes de l'enregistreur de vol indique que le pilote constate des symptômes d'anomalie des instruments de bord, mais, nullement inquiet, il ne juge pas nécessaire de communiquer cette information au contrôle aérien de Douala. Voilà donc tout ce que l'on peut dire à propos de cet accident. Et c'est bien peu de choses. Et cela laisse la place à toutes les supputations possibles, surtout quand l'on sait que ce Learjet transportait l'un des hommes les plus puissants de France, Michel Barouin. PDG de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et de la FNAC, ancien grand maître du Grand Orient de France, Barouin venait d'être nommé par Jacques Chirac, avec le plein accord de François Mitterrand, à la tête de la mission pour la célébration du bicentenaire de la Révolution française. C'était donc un homme d'influence, intime du président de la République, ami du Premier ministre. Il incarnait à lui tout seul la cohabitation. À l'époque de sa mort, Barouin était candidat au rachat de TF1 et on lui prêtait aussi des ambitions présidentielles. Mais c'était aussi l'homme des missions délicates et discrètes. Monsieur X, peut-être vous en souvenez-vous, m'avait déjà parlé de lui à propos de l'une des opérations les plus secrètes de la guerre d'Algérie, l'opération Réconciliation. Il s'agissait alors de persuader les derniers irréductibles de l'OAS de rentrer en France où on leur assurerait l'impunité contre la promesse qu'il n'y aurait plus jamais d'attentat contre le général de Gaulle. Mission réussie pour le commissaire Barouin, car oui, à l'époque, Barouin appartenait à la police où il avait fait carrière à la DST, puis aux renseignements généraux. Curieux parcours, vous en conviendrez, pour quelqu'un qui deviendra un grand homme d'affaires et un personnage politique peu à peu incontournable, sous Giscard d'Estaing comme sous Mitterrand. C'est dire que sa disparition brutale pouvait légitimement donner lieu à de multiples interrogations. Nous allons y revenir avec M. X. Mais pour être tout à fait complet, il me faut encore dire que dès l'annonce de la mort de ce puissant PDG, mais méconnu du public, les bruits les plus divers ont couru. Ainsi, on a dit et écrit que le voyage de Barouin au Congo dissimulait en fait une mission secrète auprès du président du Gabon voisin, Omar Bongo. Mission précipitée, décidée après une rencontre avec le Premier ministre Jacques Chirac. On a aussi prétendu que parmi les passagers du Learjet se trouvaient des agents de la DGSE, c'est-à-dire des services secrets français. Enfin, il me faut vous dire que l'hypothèse de l'attentat a été très vite évoquée. Dès le 18 février, c'est-à-dire 2 semaines après la mort du PDG de la GMF, un magazine d'extrême droite affirme que l'avion de Barouin a été saboté. Dans un instant, M. X nous donne sa version. Elle est surprenante car elle dissimule un vrai secret d'État. Barouin était un type assez fascinant, un ambitieux et un touche-à-tout assez génial qui avait une véritable boulimie d'activité. Mais vous l'avez connu? Oui, je crois vous l'avoir dit quand je vous ai raconté les dessous de l'opération Réconciliation. Ouais, ça c'est exact. Mais à l'époque, hein, il était commissaire aux renseignements généraux. Après être passé par la DST, c'est-à-dire le contre-espionnage. Bon, il faut tout de suite vous dire que Barouin a toujours été très intéressé par le monde du renseignement. Et d'où venait-il? Oh, d'une modeste famille originaire du Morvan. À noter que son père était lui-même policier. Lui, il a d'abord choisi de faire Sciences Po. C'est là qu'il a connu Jacques Chirac et Michel Rocard. Tiens, tiens. Mais, enfin, à la différence de ces deux derniers personnages, il a échoué au concours de l'ENA et il s'est rabattu sur l'école des commissaires de police. Par déception? Ça, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, ça lui a permis de faire une très jolie carrière. Auparavant, je voudrais quand même tordre le nez à un canard qu'on a longtemps colporté. On a prétendu que Barouin avait rejoint la franc-maçonnerie sur ordre. Une sorte de mission d'infiltration. Oui. Et combien réussi, puisque Barouin est parvenu jusqu'au stade suprême en étant élu grand Ouais, maître. ça c'est. Eh bien, c'est faux. C'est faux parce que Barouin était proche des francs-maçons avant même d'intégrer l'école des commissaires. D'ailleurs, son père lui-même était franc-maçon. D'accord, je veux bien vous croire, mais cette carrière, alors. Bah, à l'époque, c'est la guerre d'Algérie. Et Barouin est d'abord affecté à la lutte contre les FLN. Puis, après l'indépendance, il s'occupe avec le succès que vous connaissez de l'OAS et de ses repentis. Dès cette époque, il noue des contacts au plus haut niveau avec le personnel politique en place. Donc, à l'époque, c'est le pouvoir gaulliste. Évidemment. Mais dans le même temps, il fait jouer très efficacement ses amitiés maçonniques. Or, son obédience, le Grand Orient, comme vous le savez, est située notoirement à gauche. Et c'est ainsi qu'il va se lier avec des gens qui sont des proches de Mitterrand et vont aider celui-ci lors de sa prise de pouvoir au PS. Des noms? Charles Hernu, par exemple, le Ouais. futur ministre de la Défense. Et à ce moment-là, Barouin, il est toujours dans la police? Non. Non, la police, si vous me permettez l'expression, n'a été pour lui qu'un formidable marchepied. Surtout dans les fonctions qu'il a occupées et qui toutes ont été des fonctions de renseignement. Ça, c'est bien utile, croyez-moi, quand on veut avancer vite dans la vie. Vous voulez dire, par exemple, qu'il aurait constitué des fichiers sur des hommes politiques? Ah, ça, je vous laisse la responsabilité de cette hypothèse. En tout cas, très vite, Michel Barouin quitte la police pour la préfectorale. Il est nommé sous-préfet de l'Aube. Mais il n'en continue pas moins à se rendre régulièrement à Paris et à fréquenter ses amis politiques et ses différentes relations. Toujours dans le domaine du Bien renseignement. sûr. Vous avez des preuves? Non, pas des preuves, mais des certitudes, oui. Car il nous arrivait à l'époque d'avoir des contacts avec les mêmes personnes. Donc alors, Barouin, sous-préfet et agent secret. Exact. Il s'intéressait déjà beaucoup à l'Afrique. Mais on y reviendra. En attendant, Barouin avance à grands pas. Il entre d'abord au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Achille Perretti. Un ancien flic, lui aussi. Et puis, quand Perretti doit céder la place à Edgar Faure, il se lie avec ce dernier et change de monture en rejoignant son cabinet. Et que fait Barouin dans le cabinet d'Edgar Faure? Ben, il informe le président, mais c'est très important pour la suite. Il s'occupe aussi des relations avec la commission de la Défense nationale. Mais alors, attendez, et la garantie mutuelle des fonctionnaires, la GMF, Ben, hein? si mes souvenirs sont exacts, il est rentré assez tôt au conseil d'administration de la GMF. Et à quel titre? Ben, en tant que fonctionnaire, mais surtout en tant que dignitaire important de la franc-maçonnerie. Car là aussi, naturellement, Barouin a brûlé les étapes. Or, la GMF, et ce n'est nullement péjoratif, est traditionnellement un vivier de francs-maçons. Ouais. J'imagine que c'est à cause de l'esprit mutualiste. Oui, tout à fait. Et en 1974, Barouin est élu PDG de la GMF. 1974, c'est aussi l'année de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la Ouais. République. Vous voulez insinuer qu'il y aurait un rapport entre ces deux élections? Je n'insinue rien du tout, je constate. C'est d'autant plus intéressant que les deux hommes vont avoir, à partir de cette date, des rapports très très discrets. Des rapports de quel ordre? Je vais y venir, mais il faut d'abord que vous sachiez que Barouin va complètement bouleverser la GMF. Jusqu'alors, c'était une compagnie d'assurance plutôt vieillotte et tranquille. Barouin n'y a pas pris la présidence pour gérer ce conformisme. Non, il veut faire de la GMF un instrument de pouvoir, un groupe tentaculaire qui va diversifier ses activités et peser un poids de plus en plus considérable dans l'économie française et même mondiale. D'abord, il truffe la société d'hommes à lui. À quel programme? Et ces gens-là, ils viennent d'où? Bah, des milieux qu'il connaît bien. Les gens du renseignement. Oui, puis l'ancien militaire aussi, franc-maçon bien sûr, et il se lance dans la grande aventure. Il achète des compagnies d'assurance, des forêts en Afrique, des grands crus du Bordelais, une chaîne de magasins, la Fnac, des journaux, des banques. En quelques années, Barouin va décupler le chiffre d'affaires de la paisible GMF. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière tout cela? À votre avis, c'est une volonté de puissance ? Incontestablement, Baroin a la fibre politique. Il s'est fait élire maire de Nogent-sur-Seine, mais il vise plus haut, beaucoup plus haut. Oui, je sais, on a prétendu qu'il voulait se présenter en 1988 à l'élection présidentielle. C'est juste, oui. Il semble même qu'il avait commencé à se constituer un trésor de guerre pour mener sa campagne. Toutefois, Baroin reste d'abord un homme de l'ombre. L'homme des missions secrètes. Et pour ça, la GMF lui offre un formidable alibi. Ça, j'avoue, je ne comprends pas. Mais si, toutes ces activités de diversification lui permettent de voyager, d'approcher les chefs d'État, de conclure des négociations secrètes. Vous comprenez maintenant ? Peut-être, oui. Mais ce monde de l'ombre est aussi extrêmement dangereux. Et en avril 1986, au fait de sa puissance, Michel Baroin va être frappé dans sa propre chair. En avril 86, c'est-à-dire 9 mois avant sa mort. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Nous allons revenir dans un instant sur ce drame qui a frappé Michel Baroin en avril 1986. Mais avant de retrouver M. X, je vous propose quelques éléments d'information qui éclairent la personnalité de l'ancien patron de la GMF. J'ai d'abord trouvé ces quelques lignes dans un portrait signé Patrick Poivre d'Arvor et paru dans le journal du dimanche en février 1986. Écrivant que l'appétit de Baroin était sans limite, le journaliste ajoute, je le cite, « Michel Baroin, qui a tant à dire, manque d'un haut-parleur et ne serait pas étonnant du tout de le voir un jour à la tête d'un grand journal. C'est un vieux principe maçonnique. À minuit plein, je m'engage à répandre ce que j'ai appris. Pour Michel Baroin, dit BPDA, il est minuit. » Par ailleurs, dans le livre récent que Pierre Péan et Christophe Nick ont consacré à TF1, livre paru chez Fayard, j'ai lu ceci. Les auteurs évoquant les derniers mois de la vie de Baroin. Il paraît être entré dans un cycle étrange où il ne perçoit plus de limite à l'accroissement de ses pouvoirs. Un de ses collaborateurs parle même à ce propos d'une sorte de folie. Il n'écoute plus aucun conseil de prudence ou de sagesse. Peluchot, d'être au premier semestre 86 le patron le plus cité par les Français devant Francis Bouygues et Bernard Tapie. Son passage à 7 sur 7 lui fait péter les plombs. Devenu mégalo, il élabore de grands projets et nourrit même le plus grandiose, car tous ses titres ne lui suffisent pas. Il entend devenir grand patron de presse avant d'entrer en politique par la voie royale, celle de l'Élysée. Il rêve en effet de devenir rien de moins que le président de la République de la troisième voie, celle qui réconciliera la gauche et la droite. Pour cela, mettre la main sur TF1 constitue une étape essentielle. Voilà donc qui était l'homme. Reprenons la diffusion de mon entretien avec M. X. Mais quand vous dites qu'il a été frappé dans sa propre chair... Je veux parler de sa fille, Véronique. Un soir d'avril 86, en compagnie d'une amie, la jeune fille a décidé d'aller en boîte, comme disent les jeunes. Elle traverse une rue en bord de Seine. Soudain, une voiture surgit dans la nuit. Elle fauche Véronique. La jeune fille est mortellement touchée. La voiture a disparu. On ne la retrouvera jamais. Après ce drame qui l'affecte profondément, vous l'imaginez bien, Michel Baroin ne sortira plus qu'accompagné d'un garde du corps armé. C'est presque tout ce que vous venez de dire, là, hein, qui est dramatique. Vous semblez dire que cet accident n'en est pas un. Oui, je suis persuadé que la fille de Michel Baroin a été assassinée. Mais pour quelle raison ? Mais parce qu'on a voulu punir Baroin. Ce « on », c'est qui ? N'allons pas trop vite. Je vous promets que je vous donnerai la réponse à votre question. Oui, mais le punir, plus, pardonnez-moi d'insister, mais le punir pour quelle raison? Bon, encore un petit peu de patience, je vous en prie. Avant de répondre à vos deux questions, je vous propose de remonter un tout petit peu dans le temps. Le 5 février 1986, le lendemain de la Sainte Véronique, notez bien, une bombe éclate au magasin de la FNAC, situé au Forum des Halles. Or, qui est le PDG de la FNAC? Michel Barouin. Curieux, non? Il peut s'agir d'une coïncidence, non? Je crois me rappeler, 86, hein, c'est ça, il y a eu beaucoup d'attentats en France. C'est exact, on va en reparler, mais... Et là, je vous parle en connaissance de cause. En matière de terrorisme, chaque détail compte. Un attentat, c'est toujours un message qu'on envoie à l'adversaire. Donc il faut s'attacher à le décoder, arriver à comprendre, sous la terrible réalité des morts et des blessés, ce que le commanditaire a voulu dire. Alors allez-y, décryptez. Eh bien, en l'occurrence, l'attentat de la FNAC était sans nul doute un avertissement destiné personnellement à Michel Barouin. Barouin qui venait de prendre le contrôle de la FNAC et qui, détail étrange, se trouve à ce jour-là à quelques dizaines de mètres du magasin au moment où la bombe explose. Est-ce que cet attentat a été revendiqué? Oui, par un mystérieux comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes du Proche-Orient. Un organisme dont personne n'avait jamais entendu parler et qui, à l'évidence, était un faux-né. Pourquoi un avertissement destiné précisément à Barouin? Je vous ai demandé un petit peu de patience. 3 mois plus tard, Véronique Barouin est fauchée par une voiture. Pourquoi? Parce que les commanditaires de l'attentat de la FNAC ont estimé que Barouin n'avait tenu nul compte de leur avertissement. Donc, il frappe encore plus fort. Ça me paraît clair. Puis je vous rappelle, car ces gens-là adorent les symboles, que c'est le 5 février 1987 que Barouin trouva la mort en Afrique. Le 5 février, soit tout juste un an après l'attentat de la FNAC. On ne ferait pas croire qu'il s'agit encore d'une coïncidence. Peut-être, mais... Et revenons à cet attentat de la FNAC, puis à la mort de Véronique Barouin. Michel Barouin, selon vous, a-t-il immédiatement compris pourquoi on s'attaquait à lui personnellement? Bien sûr, je vais vous en donner la preuve. Vers la fin de l'année 86, Michel Barouin est l'invité de la fameuse émission 7 sur 7. Et il n'hésite pas à parler du terrorisme. En fait, c'est évident, il s'adresse d'abord directement à ceux qu'il menace. Et que dit-il? Bon, je suis incapable de vous citer exactement ce qu'il a dit, mais en gros, Barouin, avec beaucoup de vigueur, exprime sa conviction que face à la menace terroriste, il ne faut jamais céder. Et surtout, ne jamais négocier avec des gens qui tuent et pratiquent le chantage. 2 mois plus tard, Barouin est mort. Les terroristes lui ont répondu à leur sinistre manière. Mais attendez, là, vous avez dit qu'il, à la télévision, il s'adresse d'abord à ceux qui le menacent. Mais à qui d'autre son message est-il destiné? Ça me paraît évident. Il lance un avertissement à ceux qui sont tentés de prendre langue avec les terroristes ou leurs commanditaires. Vous voulez dire le gouvernement? Entre autres, oui. Mais à l'époque, la situation est vraiment confuse. C'est la cohabitation, vous vous souvenez. Des Français sont détenus au Liban. La télévision nous le rappelle tous les soirs. La libération de ces otages devient un enjeu politique. Et donc, à droite comme à gauche... Dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, on compte bien engranger le succès éventuel de cette libération des otages français. C'est sordide, mais c'est la vérité. Et Barouin, lui, est opposé à toute tentative de négociation avec les terroristes. Oui, parce qu'il sait ce qui se cache derrière ces prises d'otages et ces attentats qui ensanglantent Paris en mars. Juste après la nomination de Jacques Chirac à Matignon, puis à nouveau en septembre. Et l'enjeu lui paraît suffisamment important pour qu'il lance cet avertissement solennel et signe du même coup son arrêt de mort. Alors, on y vient quand même. Hein? Oui, et personnellement, j'ai commencé à comprendre quand j'ai entendu Barouin au cours de cette émission de 7 sur 7 dont je vous ai déjà parlé. Car Barouin, j'ai oublié de vous le dire, avait ajouté quelque chose. Il avait dit en substance, et ce n'était pas innocent, on ne doit pas, par exemple, livrer des armes pour obtenir la libération d'otages parce qu'on sait que les armes serviront à tuer. Vous conviendrez qu'on ne donne pas une telle information à la légère. Ouais, Barouin, selon vous, avait donc des informations sur une possible livraison d'armes aux terroristes qui détenaient nos otages. En tout cas, il faisait comprendre clairement que les terroristes, ou plutôt ceux qui les commanditaient, voulaient des armes. Mais quand vous parlez des commanditaires, bah, il s'agit bien sûr des Iraniens. Naturellement. C'était un secret de polichinelle, même si les autorités françaises répugnaient à le reconnaître. Les preneurs d'otages étaient des islamistes du Hezbollah, directement téléguidés par Téhéran, sans doute avec la complicité de Damas. Quant aux poseurs de bombes, ils étaient aussi envoyés par les ayatollahs. Mais je crois me souvenir que c'est à peu près à ce moment-là qu'on a découvert qu'une société française, Luchère, livrait frauduleusement des munitions aux Iraniens, qui étaient alors, il faut le rappeler, en guerre contre l'Irak. Vous avez raison. Oui. Ouais. Alors, était-ce à cela que Barouin faisait allusion dans ses déclarations télévisées ? Non. Barouin, lui, voulait évoquer à demi-mot une affaire encore plus importante, considérablement plus importante. Et je vous assure qu'il était un des hommes les mieux placés pour connaître toute la vérité. Je me suis procuré un passionnant et curieux livre paru récemment aux éditions des Arènes. Son titre, Une guerre. Curieux livre, oui, car son auteur, une jeune journaliste du nom de Dominique Lorenz, livre le journal de bord d'une enquête qu'elle a menée sur la mort de Michel Barouin. Une enquête dangereuse, au cours de laquelle, affirme Dominique Lorenz, elle a été constamment surveillée, écoutée et a même eu plusieurs fois l'impression de risquer sa vie. La journaliste, qui donne de nombreux détails inédits, évoque en particulier la figure d'un étrange personnage, Pierre Wild. Je cite Dominique Lorenz. Côté pile, Wild est propriétaire d'un laboratoire pharmaceutique à Mulhouse. Côté face, il brasse des sommes d'argent considérables dont il est difficile de reconstituer le circuit. Il a un bureau en Suisse, dans une fiduciaire. On retrouve trace de ses deniers dans des affaires immobilières en différents points du globe et dans une compagnie d'aviation. Plus intéressant encore, il serait actif dans les services secrets. En effet, Un des informateurs de la journaliste lui a confié que Wild était un spécialiste des explosifs et qu'il avait agi au Liban. Ce Wild, écrit encore Dominique Lorenz, était franc-maçon et aurait été lié à Michel Baroin. Les deux hommes se seraient vus régulièrement, leur dernière rencontre se situant en janvier 1987 à Mulhouse, un mois avant la disparition du PDG de la GMF le 5 février. Je cite à nouveau la journaliste. Huit jours après, vendredi 13 février, Pierre Wild est assassiné. On retrouve son corps accroupi devant son coffre dans la chambre forte au sous-sol de sa maison. Dans son entourage, on dit que depuis la mort de Baroin, il n'était plus le même. Plus loin, Dominique Lorenz s'interroge. Des tas de gens ont un coffre, mais un coffre à la combinaison sophistiquée, placé dans une chambre forte, elle-même protégée par une porte blindée. Cela ne court pas les rues. C'est un dispositif de sécurité hors norme. Quel genre de secret Pierre Wild protégeait-il ? Je dois toutefois avouer qu'à aucun moment, M. X ne m'a parlé de ce Wild. Néanmoins, je pense qu'il était intéressant d'évoquer ce personnage. Retrouvons M. X pour la dernière partie de cet enregistrement. Je lui demande de quel marché d'armes considérable voulait parler Michel Baroin à la télévision. Je vous ai dit, je crois, que dans le groupe de la GMF, il y avait des banques. Eh bien, il y en a une qui donne une des clés de cette affaire. La Banque internationale pour l'énergie nucléaire. Vous commencez à comprendre ? Non, j'avoue que je ne comprends pas. Eh bien, écoutez, faisons un petit peu d'histoire. Avez-vous entendu parler du RODIF ? Oui, ça, vaguement. Hein. Il s'agit d'une société de production d'uranium, c'est presque ça ? Presque, oui. Enfin, le RODIF est installé à Pierrelatte et traite de l'uranium irradié et produit, si l'on peut dire, du combustible nucléaire neuf. De l'uranium enrichi, comme son nom l'indique. C'est un projet qui a été conçu en partenariat avec plusieurs pays européens. Pour l'instant, je ne vois rien d'étonnant dans tout ça. Hein. Attendez. Il y avait juste aussi dans Eurodif un autre partenaire, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agissait de l'Iran. Mais à l'époque, en 1974, quand Eurodif a été créé, l'Iran, c'était l'Iran du Shah, pas celui de Khomeini. Et quel genre de contrat liait l'Iran à Eurodif ? C'était très simple. L'Iran, riche de pétrodollars, surtout après le choc pétrolier de 1973, l'Iran donc finançait le projet Eurodif. Et en contrepartie, il recevait du combustible nucléaire. Et du combustible pour quel usage ? Pour faire fonctionner deux centrales nucléaires commandées simultanément à la France. Mais, car il y a un mais, personne n'ignorait que le Shah avait l'ambition de doter un jour son pays de l'arme atomique. Et lui livrer de l'uranium enrichi, c'était lui permettre de construire un jour sa propre bombe. Oui, bien sûr. Et donc contribuer, hein, pardonnez-moi, mais à la prolifération nucléaire. Exactement. Mais en 1974, l'Iran était considéré comme un pays sûr, un allié du camp occidental. Et donc tout va changer radicalement avec l'arrivée au pouvoir de Khomeini. Et comment ? Mais avant d'aller plus loin, dites-moi, quel est le rapport avec Michel Baroin ? Là, j'avoue que j'ai eu du mal à démêler les fils de l'histoire, mais j'y suis arrivé grâce à quelques tuyaux que m'ont fournis des amis proches des réseaux français en Afrique. Car la véritable clé de cette affaire se trouve en Afrique. Où Baroin a justement trouvé la mort. Et ce n'est nullement une coïncidence, je vous l'assure. Première information confidentielle, en 1974, l'année de la signature du contrat Eurodif. L'année aussi où la GMF se dote d'un nouveau PDG. L'Élysée confie la supervision des affaires africaines à Michel Baroin. Et pourquoi lui ? D'abord parce qu'il est un dignitaire très important de la franc-maçonnerie et que beaucoup de chefs d'État de l'Afrique francophone sont aussi francs-maçons. Mmh. Ensuite, parce que le nouveau président de la République voulait prendre ses distances avec le gaulliste Jacques Foccart, qui, sous De Gaulle et Pompidou, avait eu la haute main sur les affaires africaines. Bien sûr. Puis enfin, troisièmement, parce que c'est un connaisseur des questions de défense. Enfin, c'est ça aussi, c'est le point essentiel, parce que le contrat Eurodif venait juste d'être signé. Ouais, je ne comprends pas tout à fait, là, soyez plus clair. Je vais vous expliquer. L'un des principaux fournisseurs d'uranium à la France, c'est le Gabon. Le Gabon qui est étroitement et contractuellement lié à la France pour tout ce qui touche la fourniture de matières énergétiques. Mais avec qui, malgré tout, il faut demeurer poli, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ça je vois, mais c'est ça, il faut faire... Comment dire, semblant de respecter son indépendance. Et vous n'ignorez pas que le président Bongo est très susceptible. Donc Michel Baroin est chargé de lui prouver à quel point la République française le tient en haute estime. Voyez-vous, curieusement, c'est une filiale de la GMF qui va construire le palais du président gabonais. Marbre de Carrare, système de sécurité sophistiqué, rien n'a été trop beau pour faire plaisir à Blanco. Le luxe, quoi. Ouais. Ouais. Et Michel Barouin et ses collaborateurs les plus proches y ont veillé personnellement parce que l'enjeu était d'importance. Ouais, là, il faut vous expliquer quand même. Eh bien, à Paris, il était apparu judicieux de garder le secret sur ses livraisons d'uranium enrichi à l'Iran, à cause de son voisin sourcilleux, l'Irak. Et on avait imaginé d'opérer ses livraisons à partir du Gabon. Ouais, d'accord, mais l'uranium, il fallait l'enrichir. Et vous avez raison. Et pour ce faire, on a imaginé de construire un discret établissement médical près des mines d'uranium. Un établissement qui dissimulait en fait des installations scientifiques permettant l'enrichissement de l'uranium. Bon, c'était très habile. Une combine parfaite. Malheureusement, les choses vont radicalement changer avec l'arrivée de Khomeini. Mmh. Oui, bon, l'arrivée de Khomeini, j'imagine que ça bouleverse tout ce joli petit jeu. Hein. En effet, le gouvernement français, après l'arrivée des islamistes en Iran, décide de ne pas honorer le contrat Eurodif. Pas question de livrer de l'uranium enrichi à ces fous furieux qui ont pris le pouvoir à Téhéran. Seulement, les Iraniens ne l'entendent pas de cette oreille. Un contrat, c'est un contrat, et ils veulent leur uranium. Parce qu'eux aussi, j'imagine, veulent leur bombe atomique. Bah, c'est exact, mais vous imaginez Khomeini à la tête d'un arsenal nucléaire. Ouais. Donc la France dit non. Et si je vous ai bien compris, les représailles vont commencer. Assassinats, attentats, prise d'otages, autant de signes, autant de menaces. Et derrière, je vous l'affirme, il y a toujours cette volonté iranienne de recevoir l'uranium promis par contrat. Ouais, pour faire la bombe. Et personne en France n'est tenté de céder au chantage. Oh si, malheureusement. Et au plus haut niveau. Mais il existe aussi des hommes qui sont partisans de faire front et qui sont décidés à ne pas laisser faire cette folie. Et Barouin est de cela. Oui, Barouin. Et Georges Besse aussi. Patron de Renault ? Lui-même. Parce que Besse, il ne faut pas l'oublier, a été le patron de Rodif et l'un des grands artisans de la filière nucléaire française. Et lui aussi a été assassiné en 86, je crois, justement. Un assassinat attribué à Action Directe. À votre avis, il y a un lien avec ce que vous racontez ? Allez savoir. Bon, disons que cet assassinat fait encore partie de ce cortège très étrange de coïncidences. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à aucun moment, quels que soient les gouvernements en France, les pressions de Téhéran n'ont cessé. Et la France a fini par lâcher quelques miettes. Un remboursement partiel du capital investi par l'Iran dans Eurodif. Mais pas d'uranium enrichi. À ma connaissance, non. Mais je vais vous faire un aveu, j'ai des doutes. Et la mort de Barouin ? Il a donc payé pour son attitude de fermeté ? Incontestablement. Une nouvelle et dernière fois, il a dit non. À qui exactement ? À ceux qui jouaient les intermédiaires dans cette affaire. En Afrique ? Oui, à Brazzaville. À Brazzaville, sous prétexte d'acheter une forêt, Barouin a été reçu comme un chef d'État. Et il a en particulier rencontré Sassou Nguesso, le président de la République, un ami de Bongo. Un proche même, puisqu'il va devenir son gendre. Or Bongo, qui s'est spectaculairement converti à l'islam, entretient les meilleurs rapports avec certains pays du Golfe. C'est clair, non ? Et c'est à eux que Barouin a dit non. À qui d'autre ? Ben, vous savez maintenant pourquoi Barouin ne pouvait pas revenir de son dernier voyage. Difficile d'établir la vérité au sujet de cette ultime révélation. Je relève quand même que dans le livre déjà cité de Péan et Nick consacré à TF1, les deux auteurs font état d'une conversation téléphonique orageuse entre Omar Bongo et Michel Barouin, lorsque celui-ci se trouvait à Brazzaville. D'autres journalistes ont prétendu que le PDG de la GMF aurait profité de ce voyage au Congo pour faire un bref déplacement au Gabon voisin. Quoi qu'il en soit, je me reporte une nouvelle fois au livre de Dominique Lorenz, publié aux éditions des Arènes. La journaliste évoque l'accord final conclu entre la France et l'Iran au sujet d'Eurodif, accord signé fin 1991. Elle cite d'abord un article du Monde qui souligne le caractère secret de cet accord et le fait qu'au terme de cet accord, l'Iran n'a pas renoncé à ses droits sur l'uranium enrichi. Or, souligne la journaliste du Monde, l'Iran souhaite toujours fabriquer la bombe atomique. Conclusion abrupte de Dominique Lorenz, la France a donné la bombe à l'Iran, en catimini, après avoir tenu tête pendant 12 ans et résisté à toutes les pressions. Et 5 ans après la mort de Michel Barouin. Bien entendu, je laisse à la journaliste la responsabilité de cette affirmation. À samedi prochain.